Eh, Rital Tug de XL, m'amène Sosa, dealer, comment ça se passe dans le 8-3? C'est département de détresse, gros. Ok. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Oh les mecs, pourquoi ça clash? Oh les mains, j'entends des MC se vanner et d'autres s'insulter de lâche. Au nom de la zone, il faut enterrer la hache. 8-3, c'est pas comme ça que ça marche dans la zone. Critiquons personne, soyons solidaires, sachant que l'union fait la force. Soyons vénères, sortons sans bastos dans le torse. Nous la fête à l'envers, moi c'est mon flow que j'amorce. C'est la galère dans le 8-3, c'est la guerre. Pourtant y'a des MC qui gèrent dessus. On leur gerbe, j'ai retrouvé un germe de jalousie dans leur gêne. Ça me gêne, le rap du bar manque d'hygiène. Traité comme une chienne qui boite, nous on se tire dans les pattes. Pour se finir à coups de batte, où va le rap? Il faut sortir de l'ombre, nos flots sous les décombres d'une guerre froide, d'une guerre sombre. Unissons nos sons et rappons à l'unisson. Putain de galère 83, c'est la guerre, on a plus de faux frères que de vrais partenaires, les gars. Soyons solidaires, il faut sortir de l'ombre avant de finir à terre. Putain de galère 83, c'est la guerre, on a plus de faux frères que de vrais partenaires, les gars. Soyons solidaires, il faut sortir de l'ombre avant de finir à terre. Le rap n'est pas à son terme. Je suis au niveau critique quand je vois tous ces MC qui se critiquent. Je suis pas du quartier, on m'interdit de prendre le mic, d'écrire des lyrics et même de faire de la zig. Je vais jouer le pudique pour pas citer tout ce public. Ce qui m'attriste, c'est dans le 8-3, ça se tire dans les pattes, ça se frappe à coups de batte. À croire que le rap est pathétique, on pourrit notre éthique. Comment veux-tu qu'on monte au niveau des statistiques? Mon pote, j'ai pas de vécu, mais dis-moi, est-ce que c'est tragique, magique? Les insultes faciles s'agitent, les MC se séparent et tout est fragile. Je lance un flot de réconciliation dans une guerre, c'est hostile, ça se crache dessus sans aucun profil, mais personne n'y récolte du profit. Tu veux qu'on dise quoi? Qu'on est unis, unis comme les doigts de la main, que l'avenir c'est nous dans le 8-3, alors qu'à l'heure qu'il est, tout montrera son putain de chemin. Je serai peut-être plus là demain, alors je finis ce couplet avec une rage sans fin. Putain de galère 83, c'est la guerre, on a plus de faux frères que de vrais partenaires, les gars. Soyons solidaires, il faut sortir de l'ombre avant de finir à terre. Putain de galère 83, c'est la guerre, on a plus de faux frères que de vrais partenaires, les gars. Soyons solidaires, il faut sortir de l'ombre avant de finir à terre. Pas si je rappe à l'heure d'aujourd'hui, c'est que j'ai encore des choses à dire. Va mon rap pour des putes, ça jamais de la vie. Je vais représenter les gens que j'aime. Et si t'aimes ou t'aimes pas, c'est la même. Si tu sautes ça, ma même. On m'a dit d'arrêter le rap car je vais me noyer. 2008, toujours là à croire que j'ai appris à nager. Débarragé car ta vie, je m'en fous total. Le missile est lancé pour faire marche en arrière, c'est trop tard. M'emmène sur ça, Marocco, t'as pas fini d'entendre parler. Sur plusieurs projets, on vient pas se ranger. On est venu pour manger, représenter la zone. Avec ou sans ton, on est venu pour représenter. Au lieu de parler tout le temps, vous serrez les bras. Accompagner plusieurs, c'est comme ça qu'on avancera. C'est un message de paix que je fais passer à tous les MC qui se tirent dessus, c'est ensemble qu'il faut marcher. Putain de galère 83, c'est la guerre. On a plus de faux frères que de vrais partenaires, les gars. Soyons solidaires, il faut sortir de l'ombre avant de finir à terre. Putain de galère 83, c'est la guerre, on a plus de faux frères que de vrais partenaires, les gars. Soyons solidaires, il faut sortir de l'ombre avant de finir à terre. Putain de galère 83, c'est la guerre, on a plus de faux frères que de vrais partenaires, les gars. Soyons solidaires, il faut sortir de l'ombre avant de finir à terre. Putain de galère 83, c'est la guerre, on a plus de faux frères que de vrais partenaires, les gars. Soyons solidaires, il faut sortir de l'ombre avant de finir à terre. Le rap n'est pas à son terme. Serrez les coudes, les gars. 2008, département des traces.